se trouve... Où se trouve la banque, s'il vous plaît? La voilà, à gauche. Merci. Et où se trouve le salon de coiffure? Le voilà, à droite. Et les grands magasins? Les voilà. Où? Là. Regardez-les, devant vous. Ah, merci. Je vais aller à l'aéroport.